Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et pour commencer, nous accueillons Jean-Daniel Doucet, notre chroniqueur 100% chimique. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour Valérie. Alors cette semaine, tu as choisi d'aborder un curieux sujet, tu nous parles de Dieu. Oui, absolument. C'est chimique ça? En fait, mais vous allez voir, il y a de la chimie même dans Dieu. Donc, avec la démission de Benoît XVI, le cardinal québécois Marc Ouellette a des chances de se faire élire comme prochain pape. Vous savez, c'est un papa Billy, il a des chances d'être le nouveau pape. Donc, afin de mousser ses chances, moi, je propose cette semaine des trucs pour qu'il puisse lui-même réaliser des miracles. Donc, ça veut dire que tu quittes le domaine de la chimie pour la prédication religieuse, Jean-Daniel? Non, comme je le disais tout à l'heure, donc cette semaine, je vais vous montrer comment en fait réaliser des miracles, mais avec la chimie. Alors là, je ne parle pas de médicaments miracles comme le Viagra, mais bel et bien là, de simuler un miracle. Je précise tout de suite, mon but, c'est pas de nier les miracles ou la religion. Mais par contre, non, on doit admettre que l'histoire est pleine de pseudo-envoyés de Dieu qui réalisent de faux miracles. Donc, ces fausses actions divines-là peuvent bien souvent être expliquées par la chimie. Alors, on veut un exemple? Ben, par exemple, tu connais peut-être Valérie Le Sueur de Turin. Ah oui, donc le tissu, là, le chiffon dans lequel il y avait le visage de Jésus et qui aurait été retrouvé au pied de la croix. Absolument, exactement. Donc, eh bien, tu sauras que Le Sueur de Turin, mais malheureusement, celui qu'on connaît, c'est un faux. En fait, en 1988, il y a trois laboratoires indépendants d'Oxford, de Zurich et d'Arizona qui ont daté au carbone 14 le sueur. Malheureusement, les trois analyses sont en accord. Il aurait été fabriqué à l'époque médiévale, époque à laquelle on aurait par ailleurs retrouvé des écrits du faussaire qui se serait confessé. Donc, on a par ailleurs aussi retrouvé des traces de ce qui ressemble à être de la peinture grâce à la spectrométrie de masse, une technique qui permet aux chimistes de savoir avec précision la composition d'un produit. Donc, d'accord, mais comment on fait pour voir apparaître un visage? Eh bien, en 2009, il y a un chimiste italien qui s'est posé la question et qui a tenté d'y répondre. Donc, c'est un chimiste de l'université de Pravia qui a montré qu'avec les ressources disponibles à l'époque médiévale, on pouvait arriver à fausser un tissu comme ça et ajouter un visage sur le tissu. Donc, à l'aide de pigments de couleur en solution acide qu'on dépose sur un tissu et qu'on place sur le visage de quelqu'un, on peut comme ça colorer le tissu et lui donner une forme de visage, si on veut. Évidemment, le visage a été simulé dans cette expérience-là par un masque. On a ensuite chauffé le tissu au four, fait quelques trous, ajouté des traces de sang et hop! Miracle, on a un nouveau sueur de Turin qui est né. Donc là, dans cette expérience-là, on n'a pas appliqué le chiffon avec son acide sur le visage de quelqu'un, on l'a appliqué sur un masque. Non, on était plus doux cette fois-là, un peu, effectivement. Donc le mythe est confondu. Puis dans les autres miracles connus, il n'y a pas aussi la Vierge Marie qui pleure du sang à certaines occasions. Est-ce qu'il y a un truc chimique là-dedans aussi? Ben oui, le sang qui coule d'une statue, par exemple, on retrouve ça dans certaines églises catholiques romaines, notamment à Naples, en Italie, où on aurait du sang séché dans un contenant qui, parfois, redevient liquide, en fait, qui recommence à saigner. Alors, on sait, le corps et le sang des saints auraient la capacité de résister aux ravages du temps. Malheureusement, il est peu probable que ce soit la cause de l'intervention divine. En fait, d'abord parce que le sang séché, ça brunit et ça reste pas d'un beau rouge. Donc, le fer dans notre sang va notamment s'oxyder en présence d'air et changer de couleur, un peu comme la rouille, si on veut. Okay. Et alors, si c'est pas du sang, c'est quoi? Eh bien, encore une fois, des chimistes italiens du même groupe de l'Université Pravia ont proposé cette fois dans la prestigieuse revue Nature, c'est pas rien, donc plusieurs solutions qu'auraient pu utiliser les religieux médiévaux pour faire du sang immaculé. Donc, par exemple, un simple mélange bien simple de chlorure de fer et de carbonate de calcium, de la craie si on veut, pourrait servir à imiter le sang séché qui, à l'occasion, redeviendrait liquide. Donc, l'idée, c'est d'avoir ce qu'on appelle, tiens-toi bien Valérie, un gel thixotropique. Ouais, mais c'est quoi ça? Ouais, c'est un gel, en mots clairs, là, qui se liquifie, par exemple, quand on va l'agiter. Et d'ailleurs, dans le rituel de préparation de ces sangs-là qui redeviennent liquides, mm-hmm. on a parfois de l'agitation. Donc, ça pourrait expliquer le processus. Exactement. Donc, il existe aussi plusieurs autres options, dont une que j'ai publiée sur la page Facebook tout à l'heure de Futur Simple, avec une solution de thiocyanate qui permet de faire pleurer un cœur de fer de toute beauté. Donc là, avec une solution de thiocyanate, puis les autres composés que tu as dit tout à l'heure, on est dans la chimie dans toute sa splendeur. Absolument. Et encore plus splendide maintenant, là, il y a le miracle du feu sacré. Alors, vous savez, là, le moment où l'Esprit-Saint est descendu sur les apôtres sous la forme de flammes qui se sont propagées à tous les gens aux alentours. Eh bien, on célèbre encore aujourd'hui cet événement, entre autres, par exemple, dans certaines églises à Jérusalem. Et donc, l'Esprit-Saint revient pour allumer des torches et propager la bonne nouvelle? Ben, si on veut, encore une fois, il y a une explication chimique qui semble plus plausible à tout le moins. En fait, on peut utiliser du phosphore blanc, donc un produit chimique qu'on connaissait probablement aussi loin qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et ce produit-là, ben, il a la propriété d'être pyrophorique. Ça veut dire? C'est-à-dire qu'il peut entrer en combustion de par lui-même. Donc, on peut le dissoudre dans un solvant pour retarder son ignition. Ça laisse le temps, par exemple, de faire entrer des fidèles dans l'Église qui croiront par la suite à l'Esprit-Saint quand le feu va s'embraser de lui-même lorsque le solvant va s'être complètement évaporé. Alors, pas de fumée sans feu, faut croire. Et en terminant, est-ce qu'il y a d'autres mythes connus qui ont été démasqués comme ça? Mais on a parlé d'un autre exemple dans une église catholique de Mumbai, en Inde, en mars dernier. Il y a de l'eau qui se serait mise à couler des pieds d'une croix de Jésus accrochée à un mur. Un peu comme si le fantôme de Marie-Madeleine était revenu pleurer Jésus. Donc, les fidèles, ça leur en prenait pas plus. Ils ont rapidement envahi l'endroit, croyant certainement un signe divin. Donc, jusqu'à ce qu'arrive Sanal Eda... Pardon, je vais... Désolé, un nom un peu difficile. Sanal Eda Maruku. J'ai réussi. Le président de la Indian Rationalist Association et un pourfendeur reconnu de pseudo-miracles. Après investigation, Sanal a découvert ce qui pourrait bien être le pot aux roses ou, dans ce cas-là, le petit pot. En entrevue au magazine Slate, Sanal a expliqué qu'un problème de canalisation bouchée sera à l'origine de la fuite d'eau. En fait, des pierres bouchaient la sortie d'eau des toilettes. Le reflux s'accumulait dans le mur adjacent et le liquide s'est donc déplacé par capillarité jusqu'au clou à la base du crucifix d'où est ressortie l'eau. On connaît très bien la capillarité comme phénomène physico-chimique par lequel la sève se déplace du bas vers le haut des arbres. Mais c'est sûrement une première d'une toilette à un crucifix, c'est clairement. Original. Donc là, le cas est réglé? Mais pas tout à fait. Le hic, c'est que Sanal a été obligé de fuir vers la Finlande en juillet dernier en raison d'accusations de blasphème contre la religion, ce qui lui faisait d'ailleurs risquer la prison. Et ça, c'est en plus d'être carrément menacé de mort par certaines personnes. Ouais, carrément. C'est quand même une histoire assez triste. Oui, assez triste, mais bon, parfois la religion science aurait intérêt à se parler un peu plus. Et bon, je tiens encore à souligner en terminant que c'est impossible de prouver un miracle. On peut pas prouver Dieu. Mais la science cherche pas à nier la religion. Par contre, elle peut montrer comment certains charlatans vont nous berner, par exemple. Oui, c'est une distinction assez importante quand même qu'il faut souligner. Alors, merci beaucoup, Jean-Daniel. C'est assez original de parler de chimie et de religion en même temps, j'ai trouvé. Donc, peut-être qu'on peut s'inspirer de tes recettes pour faire les mêmes choses chez nous. Oui, on pourrait essayer de produire des miracles à la maison. On pourrait y arriver. Merci beaucoup, Jean-Daniel. On fait maintenant une pause musicale et vous écoutez toujours CKRL au 89.1.